one. Don't the shit. En tant qu'expert, de manière claire, je coopère pour mon évasion verbale. Comme trailleur et broyeur, faut que ça tourne à toute heure dans mon secteur. Si le rap était un pays, il serait son dictateur. Considère que j'ai les gros, ça vient de mon ghetto. Le missile est paré, averti le gouvernement du pompard de Maïminan. Briser les côtes, coûte que coûte si j'ai les gouttes. À travers les sondes, t'écris ce monde. Au-delà de mes ruelles, destin tragique ou acteur de la résistance. Le droit à l'expression est suivi de répression. L'idée c'est de tous les païennes et ses pélos. Ça raconte que des ragots nous prennent pour des bourricots. Je mâche pas mes mots, change de niveau pour Argenteuil. Et ses spécimens, un carnage dans tous les domaines. Objectif, c'est nique le score. Passer à l'épi pour l'ultime mission. Infiltré, chassé, ils sont. Attentat vocal sur une bête instrumentale. Round 2. Tu veux te faire casser, tu veux te faire balayer. Mon ponton, on est venu te pailler. Le rap est tombé en panne, il a besoin qu'on le répare. Parfait, là c'est le nouveau départ. Le score, tu veux qu'on le nique, on lui baisse sa race. Laisse tomber, t'es mort si tu me suis à la trace. Tu peux pas m'éviter, tout le ghetto m'a invité. Des alibis partout, tout mon sperme s'est vidé. C'est 9-5, mélangé au 9-3. Je mets la musique en cloque sans attendre 9 mois. Tu prends le rap par le cou, Montana c'est bout de sport. Y'a pas de règles, ils sont permis tous les coups. Ils disent la rue, mais la rue c'est à moi. Et tous ceux qui sont avec moi, la rue je leur dois. Aujourd'hui, on fit avec Baba. Alibi, la voix du beat, tu me fais toujours papa. Pour mes chiens, de la cage, dans le top. Beto, whisky, branleur avec le Glock. 2005, on nique tout. 2006, 2007, on sera partout. Le rap est à nous. Objectif, c'est nique le score. Passer Alibi pour l'ultime mission. Infiltré, chassé, ils sont. Attentat vocal sur une bête instrumentale. Tu veux te faire casser, tu veux te faire balayer. Mon pronto, on est venu te pailler. Le rap est tombé en panne, il a besoin qu'on le répare. Parfait, là c'est le nouveau départ. Quand je pense qu'ici j'ai pas droit à ma chance, mais plutôt à des actes de malveillance. Toute mon enfance j'ai gueulé à l'assistance et je suis resté en souffrance. Je lutte contre ces associations, soit elles sont expérimentées. Leur place n'est plus d'actualité, je lutte face à la délocalisation. Je lutte contre l'exploitation de raison. Nos sans-papiers sont les premiers impliqués. Je lutte face à ces députés qui pareil sont assermentés, mais bien de leur siège à l'Elysée. Ma vie commence au moins à avoir un sens. Je lutte chaque jour qui passe pour être plus efficace. Ils sont tenaces et on recourt à tous les tours de passe-passe afin de mieux nous la mettre. Putain tous malhonnêtes, à n'importe quel moment tu viens la cible. Mon parcours je le compare à une scène de crime. Je lutte pour un avenir meilleur. Objectif c'est nique le score. Passer à l'épi pour l'ultime mission. Infiltré, chassé, ils sont. Attentat vocal sur une bête instrumentale. Tu veux te faire casser, tu veux te faire balayer. Mon pronto, on est venu te pailler. Le rap est tombé en panne, il a besoin qu'on le répare. Parfait, là c'est le nouveau départ. You win.